vous êtes contents d'aller en déplacement? Ouais. Clara, t'es contente? Oui, enfin, on aurait pu voyager en première. Oh là là, moi, en tout cas, j'adore la province. Ah non, non, non, on ne va pas en province, on va en déplacement. Pardon? Alors, moi, je voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Bah, tout te regarde, hein, Thomas. Non, mais parce qu'on pourrait faire un déplacement dans Paris sans aller en province. Ah, oui, Calais, bon. Ça pas tant. Oui, par monsieur. Exemple, la maison de la radio, elle est dans le 16e. Voilà, on pourrait très bien se déplacer dans le 12e, dans le 3e, ou dans le 6e. Ou dans le 14e. Oui, enfin, ça va, j'ai compris, c'est juste que je n'aime pas le mot province. Oui, enfin, ou dans le 2e, hein, vu que vous aimez ce chiffre pour la classe dans le train. Oui, alors on réfléchira à la première classe pour le retour. Oui, bah moi, c'est tout réfléchi. Et pourquoi vous m'avez emmené, moi? Alors, Célie, ça te fait plaisir de faire un déplacement? Ah, d'accord, ok, mais pourquoi Nancy? Parce qu'on pensait que ça te conviendrait. Ah, ça va. Quoi? Je sais très bien pourquoi. Mais non, non, non, c'est pas ça, Juliette, c'est pas ça. Non, non, non, non. Bah, non, de toute façon, Juliette, on n'emmène pas une quiche en Lorraine, c'est... Vous êtes certain que mais c'est certain pas... C'est long. Mais que c'est long. Bah, t'sais, les premières classes, ils arrivent pas avant nous, hein. Oui, bah, ils ont intérêt. Ce sont des Nancéens, ok? On va pas en province, on va à Nancy. Mais est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Bon, alors Fromet, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Ah, oui. Oh, rien, une adaptation d'Aznavour. Oh, chouette. Super, mais bah, vas-y, vas-y. Non, c'est mieux que vous découvriez. Ah, non, non, non, non, vas-y, je te promets, ça va me détendre, moi. Bah, vas-y. La province, la province, ça voulait dire qu'on se faisait chier. Oh non, moi je la sens pas cette émission. J'espère que le public sera indulgent. Bonjour la France Inter, bonjour Nancy. Vous écoutez l'émission qui brise l'actualité comme du cristal en direct de l'Opéra de Nancy. Et voici les trois informations que nous allons faire chanter jusqu'à 18h. Ils étaient 5 à la rentrée du MEDEF, 5 ministres. Ça a dû être épuisant parce qu'aucun ne sera présent à la fête de l'UMA ce week-end. Meurs, pourriture, ministre. Après la fête de l'UMA sans ministre, voici l'école sans livres, une école où les ordinateurs et les tablettes ont remplacé les manuels. Vous passez la journée devant des écrans, vous allez finir avec des cuits de bulots, quoi. Après la fête de l'UMA sans ministre, l'école sans livres, il y a la reformation de téléphone sans Corinne, la bassiste, donc c'est plus du tout téléphone, n'est-ce pas Corinne? Non mais allô quoi, allô. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui, avec son air de gendre idéal, aurait pu s'appeler Stanislas, comme la jolie place de Nancy, Alex Vizorek. Bonjour Nancy, bonjour les déplacements. Et nous avons emmené une toute belle équipe pour l'Opéra de Nancy à 17h20. Nous sommes ici pour une fête du livre. Elle voulait donc absolument venir puisque ce sont ses deux passions, les livres et la fête. Et comme dans livre il y a ivre, tout se recoupe. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. Et comme c'est la fête du livre, je vais vous parler d'un film. Très bien. À 17h30, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un jingle d'actualisique? Un jingle d'actualisique en public, dans un opéra. Je vous mets un peu la pression, Thomas VDB. Ça ne me fait pas peur. Je sais. De quoi va-t-on parler? Alors ça va être une chronique actualisique un petit peu particulière. On va pas beaucoup parler de musique, mais plutôt de littérature, de meurtre. Et de Moselle. Eh bien écoutez, ça va faire beaucoup de déçus parce que souvent c'est pour la musique qu'on écoute vos chroniques. À 17h40, pour la faire rêver, hier soir je lui ai dit « Viens, je t'emmène à Nancy ». Et puis j'ai voulu l'embrasser fougueusement et c'est un nouvel échec. Et pourtant je vois qu'elle est là, donc le problème ce n'est pas Nancy. Bonjour Clara Dupont-Monod. Bonjour Alex, bonjour à tous. De quoi allez-vous nous parler? Eh bien moi je vais vous parler, je suis la seule ici en cohérence à peu près avec notre invité et je vais parler de ce qu'a fabriqué notre invité. Qu'est-ce que vous voulez dire en cohérence, vous êtes élégante, c'est ça? Et enfin, à 17h55, il terminera la semaine. On adore l'emmener en déplacement. Car comme il dit systématiquement du mal des gens qu'on visite, un jour il se fera lyncher et ça nous fera un énorme buzz. Je compte donc sur vous Nancy pour accueillir Frédéric Fromet tout à l'heure. Allez, nous sommes accompagnés évidemment d'un référent de la République. Vous êtes né sous Charles de Gaulle, vous publiez Les âmes grises, prix Renaudot en 2003, c'est l'année où Carla chante, enfin où Carla murmure, quelqu'un m'a dit. Vous réalisez votre premier film, Il y a longtemps que je t'aime, en 2008, quand PPDA présente son dernier 20h. Vous devenez membre de l'Académie Goncourt en 2012, quand l'Académie de la Star, plus communément appelée la Star Academy, couronne pour la 9e édition l'ON Bouvron. Rouvron. Bon, on n'a pas de nouvelles de toute façon. Vous êtes, je vous laisse nous le dire. Philippe Claudel. Mais bienvenue. Oui, bravo. Merci. Alex Bizarre, si tu écoutes, j'aime tout. Philippe Claudel, membre de l'Académie Goncourt, natif de la région, vous habitez aussi la région. Donc, ce qui m'autorise à vous dire, monsieur l'académicien du Goncourt, comment que c'est gros? Ça y est, voilà. Ça y est, je suis intégrée à Nancy. C'est autorisé. Vous pouvez tout dire. Moi, je ne suis pas à l'Académie française, je suis à l'Académie Goncourt. Oui, c'est une académie quand même. Je ne fais pas le dictionnaire. Ah, je c'est vrai. Vous faites les menus de restaurant. Exactement. C'est drôle. Oui, c'est ça. On se réunit une fois par mois pour choisir le menu du mois suivant. Alors, écrivain, bien sûr, et réalisateur, votre prochain film, qui s'appelle Une enfance, sortira en salle le 23 septembre, tourné tout près d'ici, à Dombasle-sur-Meurthe. Philippe Claudel, Dombasle-sur-Meurthe, banlieue de Nancy. Jimmy est un jeune garçon avec un petit frère, une mère qu'on pourrait qualifier de junkie, en tout cas... À la dérive, en tout cas. Sous l'influence de son mec, qui est aussi à la dérive, donc ça oui, fait oui, des dérives. Oui, le beau-père des enfants. Ouais. Et Jimmy devient le responsable de la famille. Il s'adultise très vite, il devient finalement le parent de ses parents. Jimmy, c'est le héros du film, avec aussi Dombasle-sur-Meurthe. Oui, c'est ça. Moi, j'avais envie de construire un film autour d'un enfant. Ça faisait des années que j'y pensais. J'avais envie d'explorer ce moment de la vie où beaucoup de choses se décident, se nouent, se dénouent, où nous découvrons à la fois le monde, parfois sa beauté, parfois son âpreté. Et j'avais aussi le désir de filmer ma ville de naissance, qui est aussi ma ville de vie. Cet endroit que j'aime beaucoup, qui est une petite ville industrielle dans la banlieue de Nancy, vous l'avez dit, et où je suis... toujours frappé par ce mélange d'architecture qui témoigne de la vie, du travail des hommes, mais aussi de cette campagne qui est toujours présente. Donc on a à la fois la nature, la beauté, la rivière, et puis parfois des usines, des entrepôts. Ça donne un décor vraiment cinématographique que je voulais saisir dans un film qui se voulait à la fois une chronique sociale, mais aussi un film doux et poétique sur cette lumière de Lorraine qui existe et que vous pourrez voir dans ce film qui est extrêmement ensoleillé, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Est-ce que... Ah, voilà, vous avez déjà une salle de rempli pour aller voir le film. Est-ce que vous êtes à Nancy ce que les frères Dardenne sont à Liège? C'est-à-dire cette passion pour leur coin et en même temps pas toujours à le rendre... Ça fait un peu nougat de Montélimar ce que vous dites. C'est-à-dire hein. Je sais pas, c'est la spécialité locale. Quoi. C'est une question foireuse en fait, c'est ça qu'il essaie de dire. Oui. Mais il l'a fait avec élégance, au contraire de vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est ce côté un peu film social et puis aussi attaché à sa région et qui veut malgré... C'est vrai, vous auriez pu citer aussi, je sais pas, les Larrieux avec la région Pyrénées, Bruno Dumont avec le Nord. Il y a un certain nombre de cinéastes comme ça qui explorent au plus près le lieu ou la société qu'ils connaissent le mieux, mais en même temps qu'essayent de tirer des films ou des livres d'une portée un peu plus générale, sinon universelle. Il y a l'Empire contre-attaque, un peu comme ça, enfin, qui parle plus dans l'univers spatial. Mais, ce que vous disiez aussi, Philippe Claudel, c'est que Dombasle-sur-Meurthe a une gueule de cinéma. C'est une ville qui a une gueule de cinéma. Il y a une présence, et ce qui est important aussi, c'est que le cinéma, c'est un art de cadrer, c'est un art d'exhiber ce qu'on ne voit pas sans la caméra. Donc ce qui me plaisait, si vous voulez, c'est de montrer que dans des endroits qui, a priori, ne sont pas beau, bien on peut justement cadrer quelque chose d'émouvant, quelque chose de poétique. Et de la même façon, quand on pose une caméra sur des êtres aussi, hein, c'est un peu un scalpel, c'est un peu un microscope. On prélève des éléments, prélève des sentiments, puis on les projette sur un écran en espérant que les spectateurs vont les y trouver. Et c'est le jeune Jimmy sur son vélo, d'ailleurs, qui est le vélo est le lien entre la maison où il est un peu dans l'enfer familial et l'extérieur que l'on suit. Clara Dupont-Monod. Oui, parce que ce Jimmy, il a quand même une enfance assez abîmée. Vous l'avez dit, avec une mère droguée, avec un beau-père violent. Est-ce qu'il y a un peu de Philippe Claudel dans cette enfance? Mes parents étaient plus calmes. J'ai eu une enfance beaucoup plus heureuse, mais ça ne m'empêchait pas de regarder autour de moi, de regarder encore autour de moi aujourd'hui, d'être sensible à un certain nombre de choses ou d'être ou de malaise. Mais alors, si l'histoire avec ses parents n'est pas autobiographique, tout le reste l'est. C'est-à-dire qu'on a parlé de cette ville, on a parlé de ces décors, on a parlé de ce vélo. Moi, j'étais un enfant qui passait des étés infinis comme ça, parfois à s'ennuyer, le temps ne passait pas. Et le vélo, finalement, c'était le seul instrument de liberté avec cette nature dans laquelle j'allais, ces rivières, ces champs, c'est gay, et j'ai mis beaucoup de moi dans cette vision du monde, dans cette vision de l'enfance, où l'ennui, on pourra peut-être parler d'ennui tout à l'heure, avec ce thème de l'école, des livres électroniques ou des livres papier. L'ennui, je trouve que c'est quelque chose de très fécond, c'est-à-dire que quand on ne fait rien, quand on est enfant, quand on est dans un été qui ne finit pas, eh bien on rêve aussi. on se projette, on pense, on construit intérieurement quelque chose. J'ai toujours tendance à penser aujourd'hui que les enfants n'ont plus tellement cette possibilité de rêver, de s'ennuyer, parce qu'ils sont toujours accaparés par quelque chose, envoyer un message, en recevoir un, écouter de la musique, etc. Donc c'est le rien faire. Oui, c'est cette espèce de paresse romaine, hein, qu'on définissait jadis dans l'Antiquité, qui fait que voilà, l'esprit peut se constituer. Alors, pour notre jeune personnage, il faut faire attention aussi, parce que c'est un film où il y a énormément de tension. S'ennuyer, ça peut amener à la rêverie féconde, ça peut aussi amener à la violence. Une enfance, donc il y a un côté universel, c'est une enfance. Il sortira le 23 septembre, tourné à Dombasle-sur-Meurthe, qui est sublimé dans votre film. Nous sommes en compagnie de Philippe Claudel. Tiens, musique, maintenant Elvis a chanté cette chanson, mais là vous avez le droit à l'original. Qui on a emmené? On a emmené Juliette Arnaud, Clara Dupont-Monod, Thomas VDB et notre invité, on l'a pas emmené puisqu'il est chez lui, c'est Philippe Claudel. Philippe Claudel, je rappelle qu'en ce moment se tient le livre sur la place et vous serez d'ailleurs dimanche à 14h30 au Muséum Aquarium de Nancy pour l'inventaire photographique par Arnaud Paul des réserves de l'Aquarium avec vos textes. Philippe Claudel. Oui, c'est si je peux dire 30 secondes. Je vous en prie. Arnaud Paul est un photographe qui a donc photographié le déménagement des collections du Musée d'Histoire Naturelle, des animaux donc empaillés, naturalisés. Il a fait des photos qui sont extrêmement étranges, parfois poétiques, parfois inquiétantes, et il m'a proposé de faire un texte que j'ai accepté volontiers. Et puis donc un éditeur, Lightmovie, a fait un très bel album qui s'appelle Inventaire, donc qu'on va présenter. Pardon. Au Livre sur la Place, dimanche, 14h30, au Muséum Aquarium présidé de Nancy. Présidé par Daniel Picouli. Voilà, exactement. C'est précis. C'est de l'opéra, c'est des livres. Ce sont aussi des informations nationales et régionales. C'est le journal de France Inter Bleu-Lorraine. J'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et d'abord les titres. Oui, et d'abord les titres. François Hollande se présenterait, quoi qu'il arrive, à la présidentielle de 2017. Charline, on fait un journal d'information, ça s'en est pas une. C'est vrai. Patrick Devedjian a essayé de faire de l'humour hier lors d'une conférence de presse et ce n'était pas drôle. Charline, on fait de l'information, ça s'en est pas une. Devedjian drôle, ça aurait été une info. D'accord, laissez-moi faire. Et on terminera par quelques brèves made in Nancy avec parfois dedans du Nadine Morano. Ah, parce que ça, c'est drôle. Ah oui. C'est du pain béni, Morano, faut pas faire de vanne derrière. C'est parti. François Hollande l'avait pourtant annoncé, il ne se représenterait que si le chômage baissait. Et en fait non, d'après l'éditorialiste de Paris Match, Michel Sapin dit ouvertement qu'Hollande se représenterait quoi qu'il arrive. Donc si vous restiez au chômage uniquement pour éviter ça, ça ne sert à rien, retournez bosser. On reste à gauche. Oui, pour Claude Bartolone, la droite s'est fait prendre le cerveau par le FN. Une basse vengeance, puisque l'UMP avait déjà pris le cerveau du FN, Patrick Bouisson. Ouais. Passons à droite. Hier, lors d'une conférence de presse à la préfecture de région d'Île-de-France, Patrick Devedjian a tenté une petite blague sur les réfugiés et la politique extérieure de l'Allemagne. Il a dit, ouvrez les guillemets, ils nous ont pris nos juifs et ils nous rendent des arabes. C'est pas de moi. Oui, oui. Mais donc je vous rappelle quand même les dates de spectacle de Patrick Devedjian du mardi au samedi au théâtre de la Main d'Or. Parlant d'humour et de politique, à Nancy s'est déroulé hier le procès Bedos Morano. Effectivement, l'humoriste Nadine Morano a attaqué pour diffamation le politologue Guy Bedos. On attend le délibéré. Une page culture, Alex. Oui, Versailles, la sculpture d'Anish Kapoor, une nouvelle fois dégradée. Malgré la surveillance, la sculpture d'Anish Kapoor, surnommée le vagin de la reine, a été vandalisée une troisième fois cette nuit. Trois fois, c'est plus le vagin de la reine, c'est celui de la princesse Lady Di. Télévision, oui. Un malheur n'arrive jamais seul pour Claire Chazal. Oui, puisqu'après son éviction de TF1, elle a reçu en plus un message de soutien de Jean-Pierre Pernaut à la fin de son 13h. On l'écoute. Claire Chazal, à qui je voudrais dire mon amitié et mon émotion. Nous avons partagé ensemble presque un quart de siècle de l'histoire du monde, de l'histoire de la télé et donc de TF1. Ça a été un grand bonheur de travailler si longtemps avec toi, ma chère Claire, et je t'embrasse très fort. Un quart de siècle de l'histoire du monde. Quelle prétention, Pernaut, à part les régions de France, je ne sais pas. On vous en parlait hier, oui, Enrico oui. Macias. Enrico s'est fait hospitaliser suite à une chute. Voilà, et on se rend directement à l'hôpital pour voir si l'opération s'est bien passée. Comment ça va, Enrico? Toujours la souffrance, la souffrance. Et on revient à Nancy avec deux brèves pour terminer depuis chez vous. L'Est républicain titre aujourd'hui Nancy 2. Prison pour les dealers de la chiennerie. Voilà, conséquence directe, Frédéric Becbédé annule sa venue au Livre sur la Place. Et enfin, les sites Loractu. Loractu, le site Loractu. Se félicite. Oui, oui, le classement des villes les plus cool, Nancy loin devant Metz. Ouais. Alors. J'ai encore d'autres régions de raisons de vous réjouir dans le classement des villes les plus cool. Nancy est également loin devant Kaboul, Pyongyang et Alep. Vive la Lorraine! Merci Alex Vizorek. Et je rappelle que vous pouvez voir Alex Vizorek, si vous êtes de passage à Paris, au studio des Champs-Élysées, dimanche et lundi. Si vous n'avez pas eu assez, il en a un peu plus, il vous le met, comme on dit. On vous accompagne jusqu'à 18h sur France Inter, dans Si tu écoutes, j'annule tout, en direct de l'Opéra de Nancy, pour le Livre sur la Place. Et nous sommes en compagnie de Philippe Claudel, le réalisateur, dont le film Une enfance sortira le 23 septembre. Et avec vous, on va aborder le premier sujet, Philippe Claudel. La fête de l'Huma a ouvert ses portes. Non, attendez, il n'y a pas de porte. La fête de l'Huma a allumé les barbecues. Apparemment, les ministres ne sont pas amateurs de merguez, même pas la saucisse de la fraternité, parce qu'aucun membre du gouvernement ne viendra à la Courneuve. Vous savez ce qu'on dit des cocos à Matignon. À la fête de l'Huma, j'ai fait ma petite visite. C'est plein de gens cracra qui puent le merguez frite. C'est pas le plus horrible, faut voir les alcoolos. À Jeun, c'est impossible d'être un vrai coco. Tout est normal. Chez les cocos, tout est normal. Qui Frédéric Fromet, que vous entendrez à la fin de cette émission, bien sûr en live cette fois. Alors, pas un seul ministre à la fête de l'UMA, fête de la fraternité, alors qu'ils étaient plusieurs à l'université d'été du MEDEF, il n'y a pas si longtemps. Alors ça y est, au gouvernement de gauche, on est complètement décomplexé là, ça y est. Philippe Claudel, quel regard vous posez là-dessus? Oui, moi, je trouve que c'est tout à fait indicatif d'un changement de ton, d'un changement de temps, d'une époque... Ce qui a toujours été beau dans la fête de l'humanité, c'est le mot humanité. Hein. Je crois que Patti Smith, d'ailleurs, qui était passée quelques années, avait terminé son concert, ou en tout cas l'avait dit à un moment. Et elle s'était emballée cette année-là. Elle s'était emballée, mais comme souvent s'emballent les artistes, parce que c'est vrai que le grand public retient essentiellement de la fête de l'humanité quand même les programmations musicales. C'est un vrai festival à lui seul, avec des pointures qui sont passées quand même... Alors, moi, j'ai un petit problème avec la fête de l'humain, c'est que j'y suis allé, je crois, deux fois ou trois fois quand j'étais jeune, dans ma jeunesse un peu turbulente. Mais à chaque fois, enfin, je voyais pas les concerts ni l'humanité parce que j'avais un peu trop bu, donc donc les copains m'y emmenaient, me laissaient dans la voiture et me ramenaient. Mais non, j'y suis quand même allé trois fois. Mais il faut dire que les politiques, ils se prennent des œufs sur la figure. Laurent Fabius, c'est ce qu'il avait Fabius, pris dans la figure. Oui, c'est sûr. Vrai, c'est vrai. Et Mireille Mathieu avait pris du jus de tomate. Des tomates. Oui, pas en jus, mais en tomate. Enfin, c'est... Vous y allez cette année, Clara Dupont-Moretti, à la fête de l'humain? Ce jour-là, j'ai piscine. Bah. Autour de cette table, la fête de l'humain, vous êtes déjà allé? Bonne picolée, Juliette Arnaud, non? Bien sûr, elle va y aller puisqu'on peut picoler, donc elle va y aller, bien sûr. Juliette Arnaud sera ce week-end à la fête de l'UMA. Tout à fait, elle va bébé. Moi, j'étais allé, mais voilà, manger des churros, des trucs comme ça, des barbes à papa, les concerts, c'était quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui ressortent communistes en ayant été à la fête de l'UMA? Je pense qu'il y a quelques adhésions, oui, quand même, symboliques. Symbolique. Un peu normalement. Patti Smith a adhéré. Je pense. Alors, en tout cas, il y aura plus de ministres grecs que français, parce qu'il y a un fort soutien de Syriza. Il y aura notamment Yanis Varoufakis, mi baby. Qui n'est plus ministre. Sachez quand même que d'après Le Parisien, Martine Pinville sera là. Ah, voilà. Martine Pinville, secrétaire d'État chargée au commerce et à l'artisanat. Voilà, il y aura quand même un secrétaire d'État voilà, chargé du... Voilà. Écoutez, Martine Pinville, qu'on salue. Martine Pinville, qu'on salue. Bonne fête de l'UMA. Vous êtes sur France Inter, en direct avec Juliette Arnaud. Une chronique face à l'opéra de Nancy. Voilà, face à l'opéra pour vous parler d'un film. Hein, mais un film qui parle de livres. Alors, le film s'appelle Liberal Arts, que je vais traduire sobrement par Les Arts Libéraux. Donc, c'est un film écrit, réalisé, joué, produit par John Radnor. Ça s'appelle du cinéma d'auteur, mais c'est charmant tout de même. Liberal Arts, donc les arts libéraux, oui d'accord, mais c'est quoi les arts libéraux? J'en avais pas le début de la moitié de la queue d'une idée. Avance papier, merci Wikipédia. Vous savez ce que c'est? Bien sûr, personne. C'est toute la matière de l'enseignement des écoles de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, c'est-à-dire grammaire, rhétorique, musique, arithmétique, géométrie, astronomie. Hein ? Tout le monde est calmé. Pour le titre, on est bon. L'histoire. Jesse a 35 ans, il vit à New York, il a étudié la littérature et l'histoire pour être sûr, comme il le dit lui-même, de ne pas trouver de boulot ensuite. Et de fait, sa vie l'ennuie un petit peu. C'est alors qu'un de ses anciens professeurs de fac l'appelle pour lui demander de participer à sa sauterie de départ à la retraite. Musique Guillerette pour film Guilleret, s'il vous plaît. Jesse revient donc sur le campus de ses années d'apprentissage à la campagne en Lorraine. Non, en Ohio. Jesse se balade au milieu des étudiants. Jesse oublie qu'il a 35 ans. Jesse, il est bien. Il se rappelle combien il a aimé étudier, apprendre, former son jugement. Et surtout, il met le doigt sur ce qu'il gêne dans sa vie de maintenant. À l'époque, il avait la sensation que tout était possible. Parce qu'ensuite, la vie avec un grand V, ça commence vraiment. Faut prendre des décisions. Et là, tous les choix, tous les possibles, tous les horizons neufs qui semblaient là il y a encore, quoi, 2 minutes à portée de main. Ils ont foutu le camp. Et ça, c'est quand même un petit peu déprimant. Heureusement, sur l'herbe verte, dans les nobles bâtiments du campus, il rencontre une poignée d'êtres humains qui vont l'aider à se sortir le cul des ronces. Leçon numéro 1. Son vieux prof, qui est dégoûté de partir à la retraite, lui révèle un secret. Il lui avoue que tout vieux monsieur qui soit, malgré le reflet implacable du miroir, il continue à se sentir un jeune homme de 19 ans, mais à l'intérieur. Il lui dit... J'ai dû toutes ces années être vigilant parce que même si je suis entourée par des gens de 19 ans, même si je me sens comme un type de 19 ans, j'ai plus 19 ans, tu vois. Personne ne se sent adulte. C'est ça le sale petit secret du monde. Leçon numéro 2. Lorsque Jesse explique à une jeune étudiante de 19 ans que Twilight est selon lui le plus mauvais livre jamais écrit en langue anglaise, la fille qui a 19 ans, elle lui enseigne qu'on peut aimer les mauvais livres. Que les livres qu'on trouve un peu bêtes et pas bien écrits, ils peuvent nous rendre heureux. Leçon numéro 3. Est-ce que c'est une riche idée de coucher avec ses anciens profs? Non. Leçon numéro 4. Malgré ses propres errements, il va aider un jeune étudiant en lettres, qui est brillant, mais qui sent sur ce campus agressivement malheureux et clairement, le gosse, il est au bord du suicide. Et voilà ce que va lui dire Jesse. Il va lui dire, ne sois pas un génie qui meurt jeune, sois un génie qui meurt vieux. Vieillir, c'est cool. Alors vieillis et meurs vieux, c'est une meilleure trajectoire. Bref, moi, Juliette Arnoux, en pleine possession de mes moyens, je vous certifie que Liberal Arts de John Radnor va forcément vous filer et la pêche et un gentil coup de pied au cul, en VOD et en DVD. Merci Juliette Arnoux. Le conseil ciné de Juliette Arnoux. Alors que je rappelle que à Nancy en ce moment se tient le livre sur la place. Non, mais j'étais un peu inquiet parce que quand vous avez fait votre chronique, quand vous avez parlé des mauvais livres mal écrits, vous nous avez regardé Clara et moi. Non, pas du tout. C'était pour avoir votre avis. Aimer un mauvais livre, Philippe Claudel. Ah oui, bonne question, Philippe Claudel. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a des mauvais livres qui sont très importants, qui ont été très importants dans ma vie. C'est vrai qu'on n'est pas forcé de lire La Recherche du Temps Perdu tous les jours. On peut y trouver, même dans les mauvais films aussi, il y a toujours des moments aussi. Et la mauvaise musique. Et tout est mauvais, vive le mauvais. Voilà. En tout cas, si Guillaume Musso nous écoute, voilà, main tendue quoi. Est-ce que vous voulez de la bonne musique? Est-ce que vous voulez écouter un petit peu la playlist France Inter, par exemple? Au moins. Ah, voilà. Il s'appelle Séverin, ça ira, tu verras. D'abord, un vertige avant le saut dans le vide. Au début, tu vas penser que vous pouvez tout sauver. Hein? Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Après vos derniers cafés, lunettes noires sur le nez. Hein? Vient l'appel, le secours, les amis, les discours. Hein? Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Passé quelques semaines, les crises d'angoisse, la haine. Hein? T'écumeras ton répertoire pour raconter ton histoire. Hein? Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Alors les dîners de couple, pour qu'enfin tu la boucles, maintenant que tu parles trop. Parce que dans ta déroute, tu bois à ta santé, pour un semblant de liberté. Oh, ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Tu verras les dimanches et leur programme télé. Les vacances en famille à pleurer sous l'oreiller. Tu t'en voudras d'avoir aimé pour mieux se déchirer. Tu te diras que la mort, ça n'est rien à côté. Hein? Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. Ça ira. Rasseyez-vous, l'opéra de Nancy. Les gens sont debout sur les sièges, c'est vrai, c'est magique. Ils ont pété les fauteuils. Vous êtes bien sur France Inter, il est 17h35 à Sneckenbuch. On m'a dit que ça existait dans le coin, c'est pas loin, Sneckenbuch. C'est de l'autre côté des Vosges, ça s'appelle l'Alsace, madame. Nous sommes en Lorraine ici. Vous allez prendre des tomates. Mais... Non. Alors Claire-Sophie Collet, qui est Lorraine. Mais nous allons bientôt être dans la même région. Me dit que non. Alors on va vérifier. Alors on va vérifier. Gros débat, à la fin de l'émission. Hashtag annulé. Nous sommes en compagnie de Philippe Claudet, dont le film Une enfance sort en salle le 23 septembre. On va en reparler tout à l'heure avec Clara Dupont-Monod. Il y a aussi Juliette Arnoux, Alex Vizorek et Thomas VDB. C'est à vous. Actualisé, c'est un mélange d'actualité de musique. C'est actualisé, l'actualisé. Si on passe passe au sujet numéro 2. Ce jingle voulait bien évidemment rendre hommage au magnifique opéra de Nancy qui nous héberge aujourd'hui, même si ma chronique justement portera plus sur le salon du livre qui nous accueille que sur la musique à proprement parler. Alors moi je suis très content d'être à Nancy aujourd'hui. Hein, il est 17h30 et il fait beau. Alors on a de la chance parce que c'est vrai qu'en général Nancy, t'arrives à 15h, il fait nuit. À 15h, il fait déjà nuit ici en général. Moi, j'adore les émissions en déplacement, vraiment, parce qu'on passe beaucoup de temps en équipe, à l'hôtel, au resto, dans le train, ça discute. Hein, genre, par exemple, Alex, j'ai pas eu le temps de regarder, tu peux me donner le nom de l'invité, s'il te plaît, l'émission? Philippe? Claudel, ok, très bien. Alors on se boit un café à la machine, 5 minutes après. Charline, j'ai une question pour toi. Il fait quoi Philippe Claudel dans la vie? Voilà. C'est une vraie ambiance de rédac. Alors moi, une chose que j'ai eu l'occasion de découvrir en maintenant plus d'une année de Si tu écoutes, j'annule tout, c'est que c'est une émission qui demande une certaine polyvalence de la part des chroniqueurs. Parce qu'il faut savoir que le dernier déplacement qu'on a fait avec l'émission dans un salon, c'était au salon de l'agriculture. Voilà. C'est quand même deux univers de salons différents. Hein, en arrivant ce matin, moi j'ai cherché un stand où on pouvait manger du pâté ou du saucisson gratuit, j'ai pas trouvé. Ah, au salon de l'agriculture, quand on voit un taureau et qu'on veut mesurer un peu sa vigueur, on peut lui tâter les testicules. Hein? Là, on peut pas faire pareil avec les écrivains. Hein? Moi, tout à l'heure, je me promenais dans les couloirs du salon du livre et derrière un stand, j'aperçois Daniel Picouli. Mais comme j'ai pas lu son dernier livre, je me dis, tiens, je pourrais peut-être avoir une idée de quoi ça parle si je m'en vais lui tâter les gonades. Alors, comme un malpropre, je me suis fait virer par la sécu, comme un malpropre. Alors il faut savoir que moi j'adore les livres, vraiment j'adore les livres, je suis un fou de livres, j'adore les livres parce que par exemple, je sais pas, si tu vas voir un film au cinéma avec un pote, t'en parles avec lui après, et lui il te dit c'était bien, hein, et ben tu peux lui dire des phrases genre « ouais, j'ai préféré le livre », et bim, voilà. Et là il n'a plus rien à dire, évidemment. Alors moi j'adore les livres, mais surtout j'adore acheter des livres. Hein, je vais pas dire que j'aime pas lire, mais je vais dire que je préfère quand même acheter les livres. Non, je sais pas si ça vous fait ça, parce que quand je vais dans un salon du livre, ça fait exactement le même effet que je vais dans une librairie. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui surestime complètement mon intérêt pour la culture. C'est-à-dire que je rentre dans la librairie, et déjà il y a l'odeur des livres, je vois tous les bouquins, putain, je suis un fou de bouquins, moi. Putain, mais je suis un fou de culture, je vais acheter plein de bouquins, je vais être hyper cultivé. Hein. Là, je vois un rayon littérature espagnole, je dis, attends, mais je suis un passionné de littérature espagnole, moi. Oh, allez, bam, j'achète 10 bouquins de littérature espagnole. Je me dis, attends, je vais être bien cultivé après ça, mon pote. Mais bien souvent, aussitôt que je sors de la librairie, déjà, je commence à changer d'avis sur ce gros sac de livres. Je suis, oh la flemme, les bouquins. Et là, j'arrive chez moi, c'est encore pire, je pose le sac, et là, je me dis, tiens, finalement, je vais aller sur YouTube regarder la vidéo du chien qui fait du vélo. Ouais! Du coup, chez moi, il y a plein de sacs, plein de livres neufs qui traînent un peu partout. Alors moi je préfère clairement acheter les livres, c'est pour ça que j'aime pas trop qu'on m'en offre. Je dis ça parce que mon dernier anniversaire, j'ai un pote qui m'offre un livre de poche de 900 pages. T'es content quand t'as un pote qui t'a donné un livre de poche de 900 pages. Et là mon pote, attention, il me dit tu vas voir, il paraît que c'est génial. Il avait même pas lu l'enfoiré. Alors ce cas-là, je dis bah, attends, bouge pas, dans ces cas-là, je te le rends, il paraît que c'est génial. Voilà, mais surtout, un des gros avantages des salons du livre, c'est qu'évidemment, on peut rencontrer les auteurs, on peut aller se faire dédicacer son livre. Alors moi, un de mes grands jeux dans les salons du livre, c'est quand je m'ennuie, je vais voir les auteurs et je leur demande de me faire une dédicace, mais c'est moi qui leur dicte la dédicace. Et je vais leur voir. Alors c'est pour ma nièce Audrey, avec toute mon amitié. Attendez, c'est pas fini. Au plaisir de vous croiser un de ces jours à Nancy ou à Paris. Et je fais en sorte que ce soit le plus long possible. L'année dernière, au salon du livre de la Porte de Versailles, je suis allé me faire dédicacer le livre d'Éric Zemmour et j'ai fait pareil. J'ai dit bonjour, vous avez bien dédicacé, c'est pour des amis à moi. Alors, amitié pour Mokhtar, Abdoul, Rachid. Est-ce que vous pourriez marquer en gros À la Wakbar. Merci à tous, Nancy. Ciao, bonne journée. Bravo Thomas VDB. Les applaudissements qui résonnent dans l'opéra de Nancy. Et là, on a senti dans cette salle et autour de cette table que l'observation de Thomas VDB était absolument fine, n'est-ce pas Philippe Claudel? Ah, c'était un grand moment, oui. Ce côté où on surestime au moment d'aller en librairie et qu'on achète un paquet de bouquins, je pense que tout le monde l'a vécu, non? Oui, non, mais dans la salle, non? Bah, nous aussi. Puis moi, je voulais lui offrir un livre, mais je vois que c'est pas la peine. ça dépend du nombre de centimètres. En plus, je l'ai pas lu, je l'ai écrit, donc. D'accord. Gilles Tardo, ça vous arrive de temps en temps? Ah, mais moi, j'ai des piles qui me regardent dans mon lit. Alors après, je les pète, les piles, comme ça, elles arrêtent de me regarder. Parce que sinon, forcément. Et Clara Dupont-Monod aussi, vous avez ce syndrome? Vous les recevez par la poste, les livres? Oui, mais c'est vrai que l'acte d'achat, parfois, est un peu plus jouissif que celui de lire. C'est vrai. Oui. Et d'ouvrir l'enveloppe. Et d'ouvrir. Oh, non, pas d'ouvrir. Et moi, vous vous en foutez parce que vous pensez que je lis pas. Non, mais c'est marrant. Je vous connais trop bien. On en parlera une autre fois. Alors, je rappelle, vous avez un livre. Vous écrivez. Vous êtes écrivain, je vous le dis. Allez, sujet 2 avec vous, Philippe Claudel, sur France Inter. On s'intéresse au sujet d'actualité. On a lu la presse ce matin et la France est entrée dans l'ère de l'école sans livre, mais avec une tablette numérique. Nous avons lu l'édito d'aujourd'hui en France. Moi, j'ai lu la version papier, personnellement. Et il est écrit que les élèves vont enfin pouvoir passer du statut d'illettré à celui d'illettré connecté. Eh ouais, c'est comme ça. C'est que nous pêchions à lire tout le temps. Je te signale que ton père te parle. Hein? Tu nous fais chier à lire tout le temps. Qui c'est quoi son... Yourcenar, Adrien, c'est quoi ça? C'est quoi ton Adrien? C'est un empereur romain. Yourcenar, c'est un empereur romain? Non, Adrien. Oui, bon dit, hein, ça va, hein. T'as qu'à répondre aussi. Ah, qui c'est qui a taillé la haie, là? Qui c'est qui a taillé? C'est ton Yourcenar qui a taillé la haie? Bon, dis donc, il en a combien des livres? Il en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres, partout, alors. Hein? J'ai acheté les mémoires de Poulidor, il n'a même pas lu. T'as même pas lu ce que t'as acheté ton père? Est-ce que tu as lu les mémoires de Poulidor? C'est pas un programme à l'école. Ça non plus, c'est pas un programme, dis donc. Les deux chiens, bien sûr, Morel et Moreau. Alors, l'un des plus gros établissements privés de la région lilloise passe au tout numérique. Les élèves n'ont plus de livres, mais une tablette, 16 euros par mois. Et à la fin de la scolarité, eh bien, la tablette appartient à l'élève. Donc, il n'aura peut-être pas son diplôme, mais il va repartir avec une tablette, Philippe Claudel. Oui, c'est quand même, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, oui, c'est le cadeau bonus. Non, mais écoutez, c'est... Vous avez enseigné, vous, d'abord. J'enseigne toujours un petit peu, j'ai toujours des étudiants. Alors, c'est vrai que les tablettes présentent l'avantage de pouvoir stocker, par exemple, avec des étudiants, des centaines, des milliers de livres, et de convoquer comme ça des citations quand on en a besoin en cours, ça, c'est un avantage. Quand on est parent, on se plaint souvent du poids des sacs des gamins de 8 ans, 9 ans, qui ont 15 kilos dans le dos et qui partent à la mine. C'est l'un des arguments. Alors c'est un des pauvres arguments. Enfants et leurs Je pense qu'il ne faut pas balayer ça d'un revers de main. Ça peut être un bon complément. Moi, je suis très attaché toujours au livre papier pour de multiples raisons. Mais dans l'histoire de l'évolution technique, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a créé, j'ai pas des moyens de locomotion comme la voiture qu'on ne marche plus à pied. Donc on peut toujours effectivement utiliser le papier tout en conjuguant l'apprentissage avec des technologies. Après, si on... Faut pas se couper de l'évolution. Moi, ce que je constate quand même, c'est que l'écran offre des moyens de communication qui sont aussi des moyens d'isolation. C'est-à-dire que on communique par écran interposé, on communique plus directement. Et la crainte avec des enfants qui auraient des tablettes dans la salle, dans une salle, ce serait... peut-être de faire en sorte que la communication directe soit un peu empêchée. Alors, paraît-il moins de bavardage parce que les élèves chattent. Voilà. Alors, même si les tablettes sont bridées, ils arrivent à passer par... au moins, le bavardage est silencieux. Est-ce que ce n'est pas un avantage quand on enseigne, finalement? Mais si on chatte, on ne se parle plus directement. On n'a plus un contact humain, on n'a plus un contact physique, on n'a plus la voix. Et puis, il y a quand même un défaut majeur, me semble-t-il, c'est la disparition, la dissolution de l'acte d'écriture. Et aussi des librairies. Est présente, mais l'écriture n'est plus présente. L'écriture cursive, l'écriture à la main. Donc, il y a quand même beaucoup de situations dans la vie où on écrit encore aujourd'hui avec un stylo et un papier. Et le livre sur la place s'appellera bientôt la tablette sur la place. C'est très difficile de faire dédicacer des livres électroniques. Quand même. Avec un bouquetaire. Clara Dupont-Monod, une réaction sur ce sujet? Oui, sans compter, peut-être que pour pas mal de foyers, c'est peut-être le dernier endroit à l'école où ils auront justement accès aux livres. Oui, puis il y a aussi quelque chose à quoi je suis très attaché, c'est que les livres sont singuliers, c'est-à-dire que les livres ne se ressemblent pas. Ils sont tous différents, en papier, en couverture, en illustration, en graphie, etc. Et quand on a des livres, on en parlait tout à l'heure de façon un peu ironique, mais enfin, on a des mondes, alors qu'avec des tablettes, on uniformise l'objet. L'objet retient tous les textes, et tous les textes ressemblent quelque part. Et ça, je trouve ça très, très dangereux d'uniformiser l'écrit, d'uniformiser le livre. J'ai fait une expérience il n'y a pas tellement longtemps. J'étais en voyage et puis j'avais plus de livres papier. J'ai pris la tablette de ma fille qui lit à la fois du papier et électronique. Et j'ai relu trois classiques, enfin deux Zola et un Flaubert. Et un Dora l'exploratrice. Oui. Et, pardon. Et un Dora l'exploratrice. Non, pas encore. Elle l'avait pas téléchargé. Mais et ce qui était curieux comme impression, c'est que je ne voyais pas la différence entre les livres en lisant. Les textes sur le même objet, j'avais l'impression que c'était presque le même auteur. Il y avait une sorte de, comment dirais-je, de fondu des styles. Il n'y avait plus de différence. Et ça m'a beaucoup gêné. Vous savez qu'ils vont réimprimer Moïse, les tablettes de la loi. Et dans cette émission, émission éclectique, on passe du livre à l'opéra de Nancy, au cinéma, Clara Dupont-Moneau. Oui, c'est à moi, là. Oui, c'est un petit peu ça. C'est quand votre je fais nom, un geste hein, vers reconnu. Vous, ça veut dire que c'est à vous. Oui, parce que l'actualité, donc, c'est le film de notre invité, aujourd'hui, Philippe Claudel. Donc, c'est un film qui s'appelle Une enfance, qui sortira le 23 septembre. Alors, on ne va pas se mentir. Moi, Philippe Claudel, j'ai trouvé que c'était un film magnifique. Voilà, c'est ma petite déclaration. Mais c'est un film qui est très tendu, alors qu'il ne se passe pas tant de choses que ça. C'est un film qui est lumineux, ensoleillé, vous l'avez dit tout à l'heure. Et pourtant, vous allez voir, on n'est pas dans l'humour percutant et inégalé d'Alex Vizorek. L'histoire, c'est donc celle de Jimmy, il a 12 ans, il vit avec son petit frère et sa mère droguée. Et pour ne rien arranger, sa mère vit aussi avec son dealer, qui est un gars profiteur, bas de plafond, que, bien sûr, Jimmy déteste. Et donc, quand Jimmy rentre de l'école, il slalome entre les corps défoncés de sa mère, de son beau-père et de tous leurs copains. Sa vie, elle a quelle forme? Elle a la forme d'un hangar dont il fracture les serrures, c'est-à-dire que c'est un espace très grand, très vide, dans lequel il hurle en jetant des bouteilles vides. Donc vous voyez, on est quand même assez loin de la blagounette. Mais vous avez un truc secret, Philippe Claudel, que j'ai fini par percer après avoir vraiment regardé votre film avec précision. C'est qu'en fait, tous les lieux du film parlent du personnage. Il y a une concordance entre les deux qui est un vrai tour de force. Où se déroule l'action? L'action se déroule à Dombasle-sur-Meurthe, on l'a dit. Donc c'est une petite ville qui est près d'ici, près de Nancy où nous sommes. C'est donc une petite ville en lisière de la grande ville. Exactement comme la petite vie de Jimmy, elle est en lisière de la grande vie. Et une grande vie, c'est quoi? C'est une vie où les mères de famille assistent au spectacle de fin d'année de leurs enfants et où on n'envoie pas son gamin chercher sa dose d'héroïne à l'autre bout de la ville. De toute façon, c'est un film sur les lisières. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Au bal du 14 juillet, Jimmy, il est à part de la foule. À l'école, il est en retrait. Et quelle est sa passion? C'est de se mettre derrière un grillage pour regarder le court de tennis qui est en train de se dérouler. Et toute l'existence de Jimmy est là. Il regarde la vie à travers un grillage. Et je me suis souvenu du roman L'attrape-cœur de Salinger, qui, c'est pareil, il a un héros d'une douzaine d'années. Et pour montrer sa détresse, il raconte les bas-fonds de New York. Donc, vous, Philippe Claudel, vous ne prenez pas cette figure de l'enfoncement et de la profondeur, mais celle du seuil, du bord. D'ailleurs, entre parenthèses, ça, personne ne le voit. C'est-à-dire qu'il y a une charge implicite dans votre film contre le monde des adultes. Alors, ni le maître d'école, ni la voisine, ni le voisin, ni la grand-mère, ni l'assistante sociale qui suit la maman, ils ne voient quoi que ce soit. Ils sont tous super sympas et tous bienveillants. Et tous, ils sont pris en flagrant délit de paupières closes. C'est un délit que, finalement, on pourrait inventer. Pour revenir à Dombasle. Dombasle, vous en avez souvent parlé, Philippe Claudel, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un mélange de campagne et d'industrie à l'image de la Lorraine. C'est vraiment le décalage entre les fleurs, l'acier, les champs, l'usine, un décalage permanent entre deux paysages. Et ben là aussi, vous filmez Jimmy, il est exactement pareil, il est en décalage entre deux paysages, entre deux mondes. Celui de l'adulte, parce que qu'est-ce qu'il fait Jimmy? Il va faire les courses, il prépare le repas, il lave son petit frère tous les matins, il gère toute l'intendance. Et en même temps, décalage avec l'enfance, puisqu'il n'a jamais que 13 ans. Et donc vous voyez, on mesurera jamais assez combien l'environnement parle des personnages. Pourquoi les films d'horreur se passent très souvent dans une forêt? Parce que la forêt est la figure ancestrale de la peur. Prenez le roman Vipère au poing, par exemple, d'Hervé Bazin, qui est aussi une enfance abîmée. Que fait la mère Folcoche, l'affreuse mère, une des premières mesures qu'elle prend? Elle interdit à ses fils l'accès au parc. Le parc, c'est l'enfance des enfants. C'est leur enfance qu'on restreint et qu'on clôture. Et on n'oublie jamais, évidemment, que la fin du conte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas, c'est, on a le conte sur un bateau, il prend la mer, lui qui justement vient d'éviter le naufrage de sa vie. Et ça va même plus loin, puisque dans le film Une enfance, Philippe Claudel, vous parlez de vous. Il y a tous vos lieux d'enfance dans le film, parce que vous avez filmé Dombasle. On voit un moment en arrière-plan la maison de vos parents, le cerisier sur lequel grimpe Ginny, eh ben c'est votre père qui l'a planté. Donc vous parlez aussi bien du personnage, Dombasle parle aussi bien du personnage, pardon, que du réalisateur. Et d'ailleurs, la dernière scène, c'est quoi ? C'est Ginny qui prend un cours de tennis, donc il passe le grillage, et la dernière phrase du film, c'est vous qui la prononcez, parce que vous jouez le professeur de tennis, et vous dites à Ginny, maintenant, tu vois, c'est moi qui joue. Voilà, vous connaissez donc la fin du film. Clara Dupont-Mono, vous validez Philippe Claudel ? Qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait du bien l'intelligence. Je vais me retenir pour pas rouler une pelle à Clara, mais en tout cas non, parce que je viserai qu'à côté. Le cœur y est, n'est-ce pas, ma chère Clara? Non, mais je suis très très touché par ce que tu viens de dire. On peut se tutoyer. Parce que vous connaissez. Mais oui, ah, oui, mais on se connaît parce qu'on oui, on a une pelle en loge. On écrit des livres, madame, n'est-ce pas? On écrit des livres. Oui, évidemment. Mais oui, je voulais. Moi, ça me touche beaucoup tout ce que Clara vient de dire. Je voulais préciser quand même le nom des comédiens parce que le film repose essentiellement sur leurs épaules. Le petit Jimmy est interprété par Alexis Mathieu, son demi-frère Jules Gauzelin, c'est la première fois qu'ils sont à l'écran. Et les deux parents, un peu à la dérive, dont on a parlé, c'est Angélique Assar qui joue la maman et Pierre de La Gonchamp qui joue le papa qu'on avait déjà remarqué dans L'Inconnu du Lac. Une enfance qui sort en salle le 23 septembre de Philippe Claudel. Allez, troisième sujet ce soir, Aubert, Colinka, Bertignac se retrouvent dans une nouvelle formation, Les Insus, jeu de mots avec insupportable. Un presque téléphone, puisque la bassiste Corinne Marieno n'est pas associée au projet. Il faut dire qu'ils se sont réunis à quatre, et comme on dit dans la musique ou la diplomatie, ils n'ont pas trouvé d'accord. Elle est parfaitement égocentrique, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est devenue une star. Oui, elle veut toujours être le centre de l'univers, un univers de préférence mâle, comme par hasard, et d'ailleurs vous êtes tous là à attendre, comme des grands benets qui crèvent la dalle, tout ça parce qu'elle adore se faire désirer, comme toutes les nymphos. Voilà, mon vieux, explication à Amélie Grégoire, très profonde, analyse fine. Non, c'est le mot l'info qui te bloque. Pourtant, venant de toi, t'en as un peu profité, non? Alors là, si c'est pour faire règlement de compte à Hockey Coral, vous aurez peut-être mieux annulé le week-end. Un extrait de Mes meilleurs copains. Alors, juste une question, Philippe Claudel, vous avez travaillé avec Jean-Louis Aubert? Oui, c'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie beaucoup, c'est un ami. Voilà. Il avait fait la bande originale de mon premier film, Il y a longtemps que je t'aime. Alors, c'est pas vraiment une reformation de téléphone, ils sont trois, il n'y a pas la bassiste, ça va être difficile de remplacer qui va jouer de la basse ce soir, et puis ils vont aussi jouer une fois à Lille. On parle plus de bisbille que de musique, finalement. Écoutez, c'est un plaisir de voir ces trois musiciens ensemble, mais évidemment, c'est pas téléphone, puisque Corinne n'est pas là. Et un groupe, c'est l'énergie de quatre personnes qui, individuellement, sont différents et qui, sur scène, ensemble ou sur disque, produisent quelque chose qu'aucun des quatre ou des cinq ne peut faire isolément. Donc, ces trois grands musiciens, des fans comme moi de la première heure, vous sont contents. J'aurai pas le temps, malheureusement, parce que je suis pris par le film, mais des fans de la première heure sont contents, mais je comprends tout à fait les raisons de Corinne qui dit que c'est pas téléphone. Évidemment, c'est pas téléphone. Et de musique, il va en être question. Donc ça restera un mythe, téléphone, un petit peu. Hein. Mais oui, mais c'est bien les mythes. Il faut mais des oui, mythes. Mais évidemment. Alors, en devenir, ça avance sur cette scène, en direct de l'Opéra de Nancy. On remercie d'ailleurs l'Opéra de Nancy et toute la technique. Je pense qu'il va être engagé à l'Opéra de Nancy après sa prestation. Monsieur Frédéric Fromet, mesdames et messieurs. Frédéric qui sera à la fête de l'humanité. Enfin, s'il rentre de Nancy, qui allez-vous salir cette semaine, Frédéric Fromet? Bah moi, j'ai un scoop qui tombe très bien, puisque nous sommes à Nancy, dans sa ville natale. C'est Nadine Morano qui va remplacer Claire Chazal. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez regarder mon JT. 300 000 bourdes à la seconde, en Lorraine on n'est pas très doué. Claire Chazal avec Toreton, c'était un couple trop craignos. Moi j'ai nettement plus d'ambition, je vais me marier avec Bedos. Chazal avec PPDA, ils ont osé faire un marmot. Moi j'aurai un chiard dont le papa sera Jean-Pierre Pernaut. Tous ceux qui veulent changer le monde, gros, Nadine va vous régaler, gros. Je suis la nouvelle Joconde. monde. Je vais niquer Élise Lucet, dont la carrière est pathétique, et Rachida elle s'y connaît. Claire Chazal était moins pudique dans Paris Match à Walpé. Mais Claire Chazal est née en Auvergne, elle est un volcan qui s'éteint. Alors que moi, née nancéenne, je suis comme un gros pâté lorrain. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez, venez vous cultiver. Que mon émission se confonde avec un programme sur Arte. Je pourrais parler littérature, le livre sur la place, je m'en fiche. Chazal a écrit sur Balladur, moi je pourrais écrire sur les quiches. On dit que je serais mieux à Téléfoot, en tant qu'intellectuel sans doute. Dans Automoto, je suis cap d'être moi-même le 4x4. Tout ce qui va changer le monde, regardez-moi donc m'agiter. Tel le poule prêt à pondre, je n'ai pas fini de glousser. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez regarder mon JT. Les mauvaises blagues sur les blondes, ce serait de ma faute, ça se saurait. Merci Frédéric Fromet, en direct de l'Opéra de Nancy. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il y a le livre sur la place tout ce week-end. Allez-y, allez voir aussi Philippe Claudel. D'abord au livre sur la place dimanche à 14h30 au Muséum Aquarium de Nancy. Et surtout son prochain film, Philippe Claudel, Une enfance, qui sort en salle le 23 septembre. Merci aussi à ceux qui préparent cette émission, la régionale de l'étape née à Dieuze, Claire-Sophie Collet, dont la famille est dans la salle, Nathalie Romero à la réalisation, Benjamin Riquet. Merci à toutes les équipes de France Inter et à l'Opéra de Nancy. Merci à vous tous et à vous, Philippe merci, Claudel. Merci beaucoup. Et alors, dédions le mot de la fin au livre. C'est que nous fais chier à lire tout le temps. Hein? Qui nous fais chier à lire tout le temps? Qui c'est quoi son... Ursonar, Adrien, c'est quoi ça? C'est quoi ton Adrien? C'est un empereur romain. Ursonar, c'est un empereur romain? Non, Adrien. Oui, bon dit, hein, ça va, hein?